Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. À la demande de Jérôme de Bordeaux, c'est une histoire de radio que Franck Ferrand nous conte aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Je vais vous parler en effet de la guerre des ondes. Entendez cette bataille homérique que se livraient pendant l'occupation Radio Londres et Radio Paris. Après quoi, en compagnie de Jacques Pessis, nous reviendrons plus en détail sur la très belle épopée de Radio Londres. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Benoît via la page Facebook de l'émission sur les origines du rattachement des îles anglo-normandes à la couronne britannique. Alors, rafraîchissez ma mémoire, Céline, Je ne pense pas qu'il y ait eu de référendum dans les îles, en tout cas il n'y en a pas en préparation non plus. Pour le moment, retour en des temps pas si lointains où l'espoir ou la liberté venait d'outre-Manche, de Londres, où les Français parlaient aux Français. Europe 1, au cœur de l'histoire. Je vous parle d'un temps où la radio était reine. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, tout passait par les ondes. Bien sûr, il n'y avait pas de télévision et le poste de radio trônait au milieu de chaque foyer français. J'ai un peu l'impression de refaire mon numéro de samedi et dimanche au cours des Journées du patrimoine ici à Europe 1 où je racontais justement à quoi ressemblaient ces postes de radio qu'on installait dans les salons, dans les salles à manger, dans les cuisines. Et alors, on cherchait la bonne fréquence, n'est-ce pas? Et on écoutait la radio comme aujourd'hui, on a tendance évidemment plus volontiers à regarder la télévision. Il n'y avait pas encore de transistor, ce qui veut dire que le poste de radio était assez volumineux, qu'il n'était pas transportable. C'était encore la TSF d'ailleurs, c'est comme ça qu'on parlait, on disait pas la radio à l'époque, on disait essentiellement la TSF. Il y avait 5 millions de postes en France, c'était vraiment très important encore une fois. Alors, en 1939, il y a 32 émetteurs en France dont 20 appartiennent à l'État. La radio des Français sous l'occupation, nous dirait Montera, était donc à facettes multiples, ce qui la rendait vivante. On va voir à quoi elle ressemblait justement cette radio en France au tout début de la guerre. D'abord, à l'été 40, avec l'armistice signé entre la France et l'Allemagne, ça c'était, vous savez, l'armistice signé le 22 juin 40 à Retonde, le sud du pays devient donc zone libre, toute la partie sud-est en gros, pour simplifier un tout petit peu, et puis le nord et la partie, la côte atlantique deviennent zone occupée. Le gouvernement du maréchal Pétain s'installe à Vichy, en zone libre qui devient une sorte de capitale de fait. Le secrétariat à l'information et à la propagande installe un studio dans cette ville d'eau bourbonnaise qui s'appelle Radio Nationale. Radio Nationale est installée au Cécile Hôtel au numéro 13, hein, boulevard de Russie à Vichy. Il n'y a pas beaucoup de relais pour cette radio, il faut quand même le dire. Selon le journaliste Pierre Chatignoux, la radio du maréchal ne reste qu'une grosse radio locale inaudible dans les régions montagneuses dans le nord et dans la Bretagne, nous dit-il. On pouvait évidemment, les Bretons n'avaient quasiment aucune chance ou aucun risque d'écouter Radio Nationale. Sur onde courte, la radio mondiale d'avant-guerre, précise Raymond Terra, avait cédé la place aux émissions de la France fidèle, destinées à l'étranger et aux colonies françaises. Donc ça, Radio Nationale, c'est la radio du gouvernement de Vichy. Raymond Terra nous dit, Révolution Nationale était le nom donné à l'action politique et administrative des dirigeants de l'époque, souhaitant instaurer un nouvel ordre moral, rejet des mensonges, de l'égoïsme individuel, de l'esprit de jouissance, du goût des loisirs, exaltation des idées de travail, de famille, de patrie, évidemment, interdiction des grèves, des partis politiques, mise à l'index des juifs, etc. Quels sont les sujets abordés sur les ondes de Radio Nationale? Eh bien, la vie professionnelle, la rénovation de la France. On est dans la propagande, évidemment, vous imaginez bien, on est en période d'occupation. Beaucoup de place est donnée au commissariat général au sport. On parle de vie de famille, de toutes les démarches à faire pour les réfugiés, les sinistrés, les prisonniers de guerre, bien entendu, qui occupent là encore une part non négligeable des ondes. Et puis la vie politique française ou ce qu'il en reste, avec un espace de parole donné donc au commissariat général aux questions juives. Il faut le souligner à chaque fois, il ne faut jamais manquer de le dire. Tous les dimanches matins, à 10h-10, vous avez carrément la cérémonie de la relève de la garde avec le maréchal, etc. Et on vous raconte ça en détail, ça devait commencer par être monotone au bout d'un moment, évidemment. Il y a un journaliste qui, à partir de février 41, va essayer de, comme on dirait nous aujourd'hui, de booster un peu cette radio, sans grand effet, il faut bien vous dire. À l'époque, les Français se mettent assez souvent, le soir, entre 20h et minuit, on disait 8h à l'époque et minuit, ils se mettent à écouter les radios étrangères, bien entendu. Il faut vous dire que sur ce créneau, le réseau national est muet. Donc évidemment, ça facilite la tâche des autres radios. Il s'agit, ce Paul Marion entend à l'époque mettre fin à l'outrance, à la platitude, à la vulgarité de l'information. Il essaie de diversifier un petit peu les programmes. Alors il y a Bonjour la France de Jean Nohain qui va être la grande émission de l'époque. Il y a un édito de Philippe Henriot, évidemment. Il y a des reportages de Jean Masson sur le général Pétain, sur les chemins de France. C'est-à-dire que dès que le maréchal prend une route pour aller inaugurer n'importe quelle chrysanthème, immédiatement vous avez le reportage comme si c'était une visite du roi d'Angleterre. Et puis des artistes, bien entendu, qui vont participer à cette radio. Alors je ne vais pas tous les citer, mais de grands artistes, le très grand violoniste Jacques Thibault, par exemple. Le grand comédien Rému, etc., qui vont jouer un rôle important. Sacha Guitry fera des lectures sur cette radio. La nature, l'état d'esprit des chroniques quotidiennes ou périodiques diffusées par la radio de Vichy allait dans le sens souhaité par le nouveau gouvernement, nous dit Terra, assorti de propos laissant transparaître des passions politiques vives, mais aussi les réelles difficultés de la vie quotidienne. Évidemment, le journal quotidien est extrêmement contrôlé tous les jours. Chaque bulletin d'informations fait l'objet de contrôles, etc. Et puis, n'oublions pas, et ça c'est fondamental, vous avez à Paris la radio des Allemands. Les Allemands ont fait main basse sur Radio Paris, et alors là, on est dans la radio de propagande, alors encore, peut-être encore, si possible, encore plus délibérée, 10 bulletins d'informations tous les jours, dans lesquels d'ailleurs la France de Vichy est ouvertement critiquée, bien entendu. L'antenne était ouverte à l'heure dévouée, nous dit Raymond Terra, tel Fernand Brinon, représentant personnel du président Pierre Laval auprès de Otto Abetz, qui était ambassadeur officiel d'Hitler à Paris, Joseph Darnan, le chef de la milice, Marcel Déa, le directeur du journal collaborationniste L'Œuvre, et encore Jacques Doriot, bien entendu, propagandiste de la Légion contre le bolchevisme, Jean-Hérold Paqui, Jean Luchère, Alphonse de Chateaubriand étaient les éditorialistes maison. Il faut ajouter à tout ça tout un grand réseau de petites radios privées, Radio Toulouse, Radio Montpellier, Radio Agen, Radio Nîmes, etc., qui étaient les héritages de l'avant-guerre. Le propriétaire de tout ça, c'était Pierre Laval. Évidemment, on était toujours sur la même onde, c'est le cas de le dire, puisqu'on parle aujourd'hui de radio. Ces radios locales, si je puis dire, étaient surtout musicales, avec juste la rediffusion du fameux Radio Journal de France, qui était le bulletin d'information, point final. Vous comprenez que, dans un tel contexte, va se développer peu à peu l'habitude, et pour ne pas dire même le besoin, d'écouter le plus possible une radio qui va parler autrement. C'est Radio Londres, c'est la radio des résistants et des alliés. Jacques Hélion et son orchestre avec un extrait de la Romance de Paris de Charles Trenet. Dans un instant sur Europe 1, retour de votre récit Franck Ferrand sur la guerre des ondes sous l'occupation. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous Franck Ferrand à la guerre des ondes pendant l'occupation. Alors avant l'été 1941, les Français, disons-le, dans une très très grande majorité, se sont rangés derrière le maréchal Pétain. Mais peu à peu, cette radio, cette espèce de voix qui arrive de Londres, va s'imposer en France. Voilà ce que nous dit Pierre Chatignoux. Radio Londres s'impose en termes d'audience auprès d'une opinion publique française assommée par la défaite, l'occupation et la collaboration. Certes, le temps est encore au grand trouble des esprits et des cœurs de l'avant-guerre, dont parle Pierre Brossolette. Mais depuis le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain en juillet 40 et surtout sa rencontre à Montoire avec Hitler en octobre, les Français, s'ils prêtent l'oreille aux ondes officielles de Paris et de Vichy, écoutent depuis peu les voix de la liberté venues d'outre-Manche. Radio Londres, hein, cette fréquence mise à disposition des Français, on va y venir, on va raconter toute cette histoire avec Jacques Pessis dans un instant, et gérée par la BBC, bien entendu. Il s'agit d'une, je cite Aurélie Luneau, une radio nationale forte tournée vers l'information, l'éducation et le divertissement. Elle propose de nombreuses émissions en langue étrangère. En 1939, elle diffuse des programmes en 9 langues. L'amiral Darlan autorise le général de Gaulle à des périodes d'émissions qu'il puisse utiliser à sa guise. On va voir ce qu'il en est de ça tout à l'heure. Pour la France, tout commence donc le 19 juin 1940, au lendemain de l'appel du général de Gaulle. La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre, vous vous rappelez. La BBC réorganise ses programmes et dès la fin du mois de juin, elle diffuse 6 bulletins quotidiens en français d'un quart d'heure, dont 2 en ondes moyennes. La BBC dispose d'une douzaine d'émetteurs de plus de 100 kW en ondes courtes et moyennes, ce qui suffit pour qu'on puisse écouter Radio Londres assez confortablement partout en France. On ne parle pas encore des brouilleurs. Là, ça va venir un peu plus tard. Alors, dans les programmes français, à 20h15, vous avez un journal d'information de 10 minutes. Ensuite, une chronique quotidienne de 5 minutes qui commence par « Honneur et patrie », vous savez. Alors là, s'exprime le chef de la France libre, évidemment, son porte-parole Maurice Schumann. C'est lui qui va inventer le slogan par « Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand ». Non, me dit Jacques Pessis, on va y venir tout à l'heure. André Gillois, mais aussi René Cassin, le député socialiste Pierre-Olivier Lapy, etc. Pierre Bourdan, de son vrai nom Pierre Maillot, interdit en France, est l'auteur d'une chronique édito de 5 à 10 minutes qu'on va baptiser les commentaires. Et ça, c'est très intéressant, très important. Et pendant 30 minutes, vous avez la plus célèbre des émissions, Les Français parlent aux Français, avec cette espèce d'indicatif devenu tellement mythique, les 4 premières notes de la 5e symphonie de Beethoven. Hein. Tintintintin, 3 petits coups, un long, c'est le V de la victoire et ce V joue un rôle qui devient totalement emblématique. Voilà ce que nous dit à ce propos Jacques Pessis dans Radio Londres, la guerre en direct. Pendant plusieurs semaines, le gouvernement de Vichy et les Allemands ne se sont guère préoccupés de ce qu'ils estiment être des gamineries lancées par des collégiens ou des adultes attardés qui se croient drôles. La multiplication des inscriptions, donc de ces V partout, les oblige à changer de tactique. Dans les écoles où l'on voit des V partout, les proviseurs reçoivent du ministre de l'Éducation nationale des directives très précises et extrêmement fermes. Le gouvernement de Vichy exige qu'ils mettent un terme à ce jeu. La présence chez un négociant en vin d'une ardoise indiquant vin à vendre à volonté avec des majuscules particulièrement appuyées, devient la goutte qui fait déborder le vase. Les Allemands lui ordonnent de réduire les caractères des lettres de sa réclame. Les autorités d'occupation annoncent que de lourdes amendes frapperont désormais les municipalités qui ne parviendraient pas à empêcher les graffitis imbéciles. Et oui, c'est V qu'on voit fleurir littéralement partout. Alors, il y a parmi ceux qui participent à l'aventure l'humoriste Pierre Dac. D'ailleurs, ça fait l'objet ça d'un ouvrage à part entière. Pierre Dac, un loufoque à Radio Londres, chez Bibliomnibus, dans la collection Humour, avec justement une présentation de Jacques Pessis. On va y venir tout à l'heure. Pierre Dac participe à partir de 43. Sa devise, c'est pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour. C'est bien d'avoir d'emblée instillé cette dose d'humour, justement, dans les messages. Les Allemands vont se servir de la radio pour bourrer le crâne de nos compatriotes, dit celui qui va dominer littéralement Radio Londres avec le temps. Ceux-ci n'ont qu'une façon de savoir la vérité, c'est d'écouter Londres. L'important est de réunir une équipe au sein de laquelle se trouveraient non seulement des rédacteurs indispensables, mais aussi des écrivains de dialogue, des faiseurs de chansons et même un compositeur de musique. Alors vous avez des journalistes dans la bande, bien entendu, Jean Marin, de son vrai nom Yves Morvan, Jean Oberlé, bien sûr, Jacques Borel, Pierre Lefebvre, Maurice Van Mopes. On en verra un certain nombre faire de belles carrières après l'occupation, bien entendu. On va en parler aussi tout à l'heure de ça. Ils ont été formés sur le tas. Notre expérience de journaliste d'agence nous a puissamment aidés, explique Maurice Schumann. Pierre Bourdan savait trouver les mots qui ressuscitaient la fierté et le courage d'un peuple opprimé. S'il n'avait pas eu cette culture humaniste, il n'aurait pas pu conquérir l'immense audience qui fut la sienne. C'est vrai que c'était non seulement des programmes qui apportaient une véritable bouffée d'oxygène à tous ceux qui n'en pouvaient plus, évidemment, de la propagande de Radio Paris et de Radio Nationale, mais c'était aussi, disons-le, des programmes de qualité. Ça, c'est un des aspects sur lesquels insiste Jacques Pessis. C'est important de le souligner. C'était pas seulement une radio utile, si je puis dire, ou utilitaire. Alors, Évidemment, on n'écoute pas que Radio Londres. Imaginez ce que c'est quand vous êtes dans cette France occupée de l'époque. Alors, il y a Radio Brazzaville aussi, qui est la radio officielle de la France libre. On verra ça tout à l'heure. Dans le sud-est de la France, on écoute pas mal Sotens, qui est la radio suisse romande. Avec notamment un rendez-vous chaque vendredi pour écouter les commentaires de René Payot. C'est très populaire, ça, dans toute une partie de... Justement, comme par hasard, dans la région qui est directement contrôlée par le régime de Vichy. Et puis, il y a une autre radio qu'on peut capter dans la même région, c'est Radio Monte-Carlo, bien entendu, à partir du 17 juillet 1943, où l'on insiste justement, au-delà de l'information, sur les loisirs. Et puis, bientôt, ce qu'on va voir, c'est une véritable opposition, hein, c'est une véritable guerre entre Radio Londres et Radio Paris, guerre des ondes, guerre des mots. Même si l'heure de l'insurrection nationale n'a pas encore sonné, écrit Chatignou, la guerre psychologique est engagée. De part et d'autre, on s'envoie des slogans comme on balancerait des grenades. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions, par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand, ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à votre récit sur la guerre des ondes que se livraient pendant l'occupation Radio Londres et Radio Paris. Franck Ferrand, 14h-15h, sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, à la guerre des ondes sous l'occupation entre Radio Londres et Radio Paris. Alors, on peut parler d'une véritable guerre. Et ce qu'il faut d'abord souligner, c'est que Radio Paris n'est pas du tout délaissée par le public. Hein. C'est même une radio qui a un certain succès. Il faut bien le reconnaître. Alors, c'est vrai que vous avez les éditos de Jean-Hérold Packy, de Luchère et d'Alphonse de Chateaubriand, etc., du docteur Friedrich, qui sont des tissus d'horreur, hein, il faut bien dire. Ça nous paraît complètement fou aujourd'hui quand on entend ça, bon, évidemment. Mais il y a aussi 15 heures de musique par jour. Radio Paris possède son... Elle a les moyens, tout simplement. Les moyens de la puissance occupante, elle a un grand orchestre symphonique, des gens comme Raymond Legrand, André Claveau, hein, qui faisait des grands récitals populaires, etc. Tout ça fait qu'évidemment, la radio dirigée par le docteur Boffinger, qui est un émule de Goebbels pour tout ce qui regarde la propagande, bien entendu, cette radio a un certain succès. Puis alors, ils essaient aussi de faire dans l'humour. Alors, c'est quand même un humour un peu grinçant, il faut bien le dire. Les chansonniers de Radio Paris brocardent Radio Londres. Ici, Radio Londres, disent-ils, bobards et chansons, divagations hypocondres ou boniments de francs-maçons. Bon, c'est l'humour de l'époque, on va dire. Évidemment, outre-Manche, on fait la radio autrement, d'une certaine manière. La BBC est devenue une sorte de caisse de résonance pour la France libre. Elle lui a donné une légitimité auprès d'une opinion publique qui avait été complètement assommée par les événements, la défaite, l'occupation, l'entrée dans la collaboration, etc. Et il faut imaginer que de plus en plus, le soir maintenant, en catimini, après avoir calfeutré portes et fenêtres, les Français écoutent la radio de Londres, évidemment la radio des Alliés. Alors là, il y a les brouillages allemands maintenant et les brouillages du gouvernement de Vichy. Alors on cache les postes de radio évidemment parce que plus le temps va passer, plus ça va devenir dangereux tout ça. Bien entendu, chacun prend des risques. Vous savez qu'on peut être emprisonné, on peut être déporté pour simplement écouter Radio Londres. La particularité de Radio Londres, mais ça vous le savez, ce sont les messages personnels, bien sûr. Veuillez écouter d'abord quelques messages personnels. Et alors là, il y a ces fameuses citations, ces maximes, ces phrases percutantes dont nous avons eu l'occasion ici même de parler naguère, et qui évidemment sont d'une très grande importance pour l'évolution de la situation, notamment de la résistance. Concrètement, sont des phrases énigmatiques et codées à destination de ceux qui, sur place, sur le territoire, évidemment, font du sabotage, etc. On va y revenir tout à l'heure. Il y a évidemment aussi, et ça c'est très important, dans ces messages codés, il y a parfois des choses d'une importance stratégique. Je vous donne quelques exemples de messages. Les hirondelles ne sont pas arrivées. Le train sifflera trois fois. Gertrude atteint un enfant. Mardi, on jouera le concerto numéro, etc., etc. Bon, on est évidemment aujourd'hui pour nous tout ça a pris une sorte de patine très particulière. Ça fait immédiatement penser à un climat bien particulier, celui de l'occupation, etc. Sous le caractère surréaliste des fameux messages qui ont donné une forme de tonalité à Radio Londres, se cachent bien entendu des choses très importantes. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que le 6 juin 1944, on allait diffuser le fameux message « Les sanglots longs des violons » qui annonçait le débarquement en Normandie. Certaines émissions sont réalisées en code Morse pour rester en contact avec les auditeurs si jamais l'ennemi arrivait à brouiller complètement la station. Mais on arrive quand même à avoir certains messages grâce au Morse qui surnage d'une certaine manière. La station va émettre un programme quand même stable pendant 4 ans. Le ton se veut confiant et rassurant, nous dit Chatignou. L'inconnu dont la voix était attendue avec impatience, écoutée avec une attention passionnée, qui par-delà les mots trop rapides veut étreindre la vérité qu'il laissait pressentir, devenait leur ami, leur consolateur et surtout dans les jours de ténèbres, le porte-flambeau qui leur montrait le chemin de l'espérance. On parle du pasteur Beunier, bien entendu, on va y venir aussi ensemble. À son rôle. Dès 1940, il a la conviction tranquille que la victoire de l'Allemagne est impossible, qu'il ne s'agit que d'une mauvaise période à passer, que l'Angleterre reste une redoutable forteresse. Le 27 janvier 1942, il annonce « Aujourd'hui, les nouvelles sont mauvaises », puis après un long développement sur les rapports des forces entre l'accès des alliés, il enchaîne « Les nouvelles sont mauvaises, certainement, en bien des points, mais nous n'avons jamais été aussi sûrs de la victoire ». La chronique en question, elle ne cessera qu'au printemps 1944. Pierre Bourdan cessa de parler, nous dit Pierre Chatignoux. Tout le monde comprend que le débarquement est proche. Alors, après la victoire, Radio Paris et Radio Nationale vont cesser d'émettre, évidemment, les 16 et 17 août 1944. Et le 22 novembre 1944, le 22 novembre seulement, Radio Londres diffusera sa dernière émission des Français parlent au français. Ce sera le grand symbole, finalement, de la résistance, le grand symbole de la France libre. Que sont devenus tous ceux qui l'avaient créé? Comment était-il venu là? J'ai énormément de questions, évidemment, à poser à Jacques Pessis. Bonjour Jacques Pessis, je ne suis pas le seul à avoir des questions à vous poser, nos auditeurs s'en mêlent, les messages affluent par Twitter, par Facebook, etc. Nous allons y venir ensemble dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. C'est la romance de Paris, au moins des ruelles fleuries, ça met au cœur des amoureux. Un peu de rêve et de ciel bleu, ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris, que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. C'était Charles Trenet sur Europe 1 avec un extrait de la romance de Paris. Vous nous parlez, Franck Ferrand, cet après-midi de Radio Londres avec votre invité Jacques Pessis, journaliste au Figaro et historien, auteur de Radio Londres, La guerre en direct aux éditions Albin Michel. Alors tout à l'heure, Jacques Pessis, quand j'évoquais ce slogan, hein, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand, qui était sur l'air de la Cucaracha, Radio Paris ment, Radio Paris ment, je me suis trompé en fait, je ne l'ai pas attribué à la bonne personne. Oui, ce sont Jean Oberlé et Maurice Van Mopes qui sont deux dessinateurs et les deux premiers intervenants pour l'humour à Radio Londres qui l'ont écrit dans un taxi en se souvenant de cette Cucaracha qui avait marqué leur enfance. Et Jacques Duchesne, qui dirigeait Radio Londres, a trouvé ça tellement formidable qu'il l'a placé en générique sans imaginer que ce slogan allait entrer dans l'histoire. Alors Adrien nous demande via Facebook, est-ce qu'il s'agissait, cette radio en français, est-ce que c'était une radio diffusée depuis Londres ou bien la BBC qui consacrait des plages horaires aux Français? Comment est-ce que ça fonctionnait concrètement? La BBC avait accordé une demi-heure d'antenne tous les jours à la France libre à la demande du général de Gaulle qui avait été le premier à comprendre que la radio était une arme de guerre. Il l'avait dit dès 1930. Oui, le général de Gaulle, de ce point de vue-là, était un homme de la radio. Il le montrera d'ailleurs longtemps. Même après son retour au pouvoir en 58, il aura une prédilection pour la radio. La télévision, pour lui, était plus difficile, en fait. 68 l'a montré, effectivement. Ouais. Et donc, tous les jours, on a commencé par former une petite équipe de volontaires, de journalistes amateurs, qui sont arrivés au micro, qui ont fait un quart d'heure d'antenne. C'est un peu parti dans tous les sens. Et on a fait appel au neveu de Jacques Copeau, qui s'appelle Michel Saint-Denis, qui dirige un théâtre à Londres. Et on lui demande de mettre en scène radiophoniquement les Français. C'est lui qu'on va appeler Jacques Duchesne. Il prend le pseudonyme de Jacques Duchesne en souvenir de la Révolution, parce que tous ont un pseudonyme pour une raison fort simple. C'est qu'ils ont de la famille en France. Et ils craignent que s'ils sont reconnus, la famille puisse avoir des ennuis à cause des Allemands. Alors on va voir de quoi se composaient toutes ces équipes de Radio Londres, mais il faut que vous nous racontiez avant cela, Jacques Pessis, comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce sujet en particulier. Vous avez trouvé une véritable mine, en vérité. Hein. C'est-à-dire que, étant l'héritier de Pierre Dac, j'ai raconté Pierre Dac à Londres et je me suis dit, mais où sont les textes de Radio Londres ? Parce que dans l'esprit populaire, on a le sentiment que Radio Londres, ce sont les messages codés. Or, les messages codés, c'est le 1er et le 5 juin, 44, 216 messages. Et j'ai retrouvé dans une bibliothèque près de Paris des microfilms qui avaient été placés là dans les années 70 grâce à Jean-Luc Rémy-Aubryac, un historien bien connu. Et ces microfilms, ce sont les tapuscrits de tous les textes de Radio Londres entre juin 40 et octobre 44. C'est incroyable. Ça fait 50 000 pages. Oh là là. Qui sont tapées à la machine plus ou moins en français parce que les secrétaires les tapaient, elles étaient anglaises. Et on comprend pour la première fois la guerre au jour le jour. D'où l'idée de raconter cette guerre à travers ceux qui l'ont vécu quotidiennement. C'est une forme de journal d'ailleurs que vous nous proposez dans ce livre. Hein. C'est vraiment un roman ça, vrai. Oui. Ah, oui, c'est ça. On a l'impression de suivre effectivement les évolutions de la guerre à travers l'aventure de ces gens. Et ils n'étaient pas très nombreux au départ, il faut le dire. Il y avait 12 personnes. Jacques Duchesne voulait une équipe très réduite, mais efficace. Et il les formait les uns après les autres en leur apprenant l'art de la radio. Et chacun se répartissait les tâches avec un rendez-vous. C'était des professionnels ou des pas amateurs? Pas du tout, c'était des amateurs. Oui, voilà, Maurice Van Mopès a pendant des années été incapable de parler correctement devant un micro. Et Jacques Duchesne se mettait en colère régulièrement. Mais ils travaillaient tous à midi avec une réunion. Ils faisaient leur texte l'après-midi. Et tout était revu ensuite par un censeur, un francophile, un journaliste qui s'appelait Darcy Gilly et qui vérifiait qu'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait inquiéter la résistance. Ça, c'est une des découvertes que j'ai faites grâce à vous, hein, c'est l'existence de ce censeur. Le but était de ne pas gêner la résistance, c'est ça ? Bien sûr. Et il avait même une manette dans le studio, il suivait le texte mot à mot et s'il y avait la moindre erreur, il appuyait sur la manette et l'émission s'arrêtait. Est-ce qu'il l'a fait ? Jamais en quatre. Ça n'est pas arrivé une seule fois. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une belle maîtrise de tout ça, évidemment. Tout ça, ils travaillaient tous pour une même cause, la France libre. Tous n'étaient pas des pros de Gaulle, il y avait des pros et des anti de Gaulle. Mais derrière le micro, ça ne se sentait pas. Alors, évidemment, pour revenir à la question que nous posait tout à l'heure notre auditeur, on peut se demander ce que faisaient les Anglais pendant ce temps-là. Est-ce que le public de Londres, les Anglais anglophones, entendaient radio Non, c'était surtout les Français. Il y avait plusieurs réseaux, mais les Anglais étaient très, très favorables aux Français, à tel point que lorsqu'un Français est dans un pub, c'est toujours un Anglais qui payait la consommation, oui, parce qu'il fallait respecter la France. Oui. Et on les reconnaissait, ces animateurs ? Ils finissaient par être connus, car ils avaient tous le même pub en face de la radio, ils fréquentaient les mêmes restaurants, et ils devenaient des amis des Anglais qui étaient très courageux. La guerre existait, on se battait comme on pouvait, et on soutenait les Français. Moi, ce qui me fascine, c'est la dimension symbolique de ce qui est diffusé sur Radio Londres. On est constamment dans le symbole, dans le message, plus ou moins codé. Je parlais tout à l'heure de cette 5e symphonie de Beethoven, dont le rythme crée la lettre V en morse. Il y a toute une campagne d'ailleurs que vous racontez hein, sur cette lettre V qui devient un emblème en vérité. Oui, car la campagne des V est née en Belgique, à la section belge de la BBC, et l'animateur diffuse un jour les V, parce que ça fait V comme Victoria en flamand et en français. Et puis la campagne des V, personne n'y croit, et 3 mois plus tard, Jacques Duchesne se dit, il y a peut-être quelque chose à faire, la lance, et ça va être un des tournants de la guerre, un des premiers tournants de la guerre, puisque les Français vont l'adopter et les Allemands vont reprendre ce V à leur compte en mettant partout des Victoria, puisque c'est la traduction allemande. Est-ce qu'il y a une évolution des programmes pendant le cours de la guerre ? Est-ce qu'on a vu peu à peu cette radio se professionnaliser d'une certaine manière ? Il y a surtout une évolution de l'auditoire. Il faut être clair, pendant 2 ans, Radio Londres, c'est une anecdote. C'est-à-dire qu'il y a quand même 7000 membres de la France libre en octobre 40, pas un de plus. Et puis petit à petit, on commence à écouter Radio Londres de loin. On commence à écouter les appels à la manifestation lancés par le général de Gaulle et son porte-parole, Maurice Schumann. Mais le tournant, c'est en 1942, quand Laval revient au pouvoir. Et là, Radio Londres se déchaîne contre Laval et les auditeurs commencent à comprendre qui est Laval et qui sont ces gens qui sont à Paris. Et Radio Londres va être très utile pour aider les Français à cacher ceux qui doivent partir pour le STO, à cacher des Juifs. Et Radio Londres va être à la première en 1943 à dénoncer les charniers. Je pensais en parler plus tard, mais peu importe, c'est fondamental ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous nous décrivez une mise en garde, une description de ce qui se passe dans l'univers concentrationnaire nazi, et ça assez tôt dans la guerre. Hein, donc, au départ, René Cassin, qui est l'un des fondateurs de la France libre, soutient les amis israéliens qui sont poursuivis par les Allemands. Et puis, on ne parle pas des camps, on sait qu'il y a vaguement quelques petites choses qui se passent. Et c'est surtout en 43. En 43 que parvient, par des voies détournées, un témoignage d'un évadé d'Auschwitz. Et le témoignage est lu par Fernand Grenier. Fernand Grenier, on est le 17 août 1943. Et il lit au micro pour la première fois ce que représente vraiment le camp d'Auschwitz dans toute l'horreur. Et c'est vraiment une révolution, une révélation. Et c'est à partir de cet instant que justement Radio Londres va dire aux auditeurs: aider les Juifs, il ne faut pas qu'ils aillent dans ces camps, protégez-les, cachez-les. Oui, mais ça, alors, c'est quand même fondamental, parce que très souvent, on met en avant le fait que l'on ne savait pas, notamment à l'intérieur de la France occupée, on n'avait aucun moyen de savoir ce qui se passait, etc. Mais évidemment, ça, c'est un élément qui prouve qu'il y a eu en tout cas des informations. Alors peut-être pas des quantités, mais en tout cas des informations claires. Et quand les informations ont commencé à arriver par des télégrammes mis au point, réglés par des informateurs, par des gens qui venaient de France et qui avaient des informations, mais au départ, imaginez, il y avait Radio Paris, il y avait la presse collaborationniste, donc personne ne savait vraiment ce qui se passait. D'où l'utilité de Radio Londres, qui disait la vérité, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Alors nous venons dans un instant aux conditions d'écoute, bien entendu, et à cette fameuse guerre des radios dont je parlais tout à l'heure. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire de Radio Londres avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Jacques Pessis, journaliste au Figaro et historien, auteur de Radio Londres, la guerre en direct aux éditions Albin Michel. Jean-Yves nous demande via Facebook, je ne vais pas pouvoir vous poser toutes les questions de nos auditeurs car elles sont vraiment très nombreuses aujourd'hui, mais nous demande si on a de véritables enregistrements de tous ces messages ou est-ce que tout ça a été réenregistré après coup ? Alors, il y a quelques enregistrements après coup, il y a eu quelques documents conservés, mais très peu, parce qu'à l'époque, c'était du direct, il y avait des disques où ils n'étaient pas enregistrés ou alors ils ont été perdus. Il y avait donc, on l'a bien compris, j'espère, différents publics qui écoutaient Radio Londres. Ça allait de Monsieur Tout-le-Monde, si je puis dire, qui allait chercher sa bouffée d'oxygène à 20h en faisant bien attention de n'être pas découvert, jusqu'à des résistants très lancés dans des opérations. Radio Londres a pu avoir des conséquences très importantes sur certaines opérations de la résistance, il faut le dire. Hein. Je suis persuadé que sans Radio Londres, la résistance n'aurait pas été aussi organisée. C'est ça. Particulièrement en 1944, à partir de février 1944, et de l'affaire du massif des Glières. Ah oui. Il faut raconter ça en deux mots d'ailleurs, il faut dire. C'est très simple, c'est-à-dire que Maurice Schumann en 1944 apprend par un informateur sur place qu'un groupe de maquisards est entouré par les Allemands aux Glières. Et ça va devenir un feuilleton quotidien, ils vont devenir les symboles de la résistance. Tous les jours jusqu'au 26 mars, jusqu'à leur massacre par les Allemands, on va donner des nouvelles de ces héros et ils vont être le point de départ de la dernière ligne droite qui va mener au jour J. Et vous le racontez, vous le décrivez évidemment dans le livre. Il y avait des ordres qui passaient via la Radio Londres. Est-ce que, nous demande une auditrice, est-ce qu'il y avait la même chose du côté de Radio Paris ? Est-ce que certains ont essayé d'utiliser ou de pirater cette antenne pour faire passer des messages, etc. ? Radio Paris a tout de suite compris que Radio Londres était un danger. C'est pour ça qu'à partir d'octobre 40, les Allemands ont tenté d'interdire l'écoute de Radio Londres en menaçant de prison ceux qui étaient surpris en écoutant la TSF sur cette longueur d'onde. Radio Paris, c'était autre chose. De toute façon, c'était les Allemands qui faisaient les émissions, qui dépensaient beaucoup d'argent pour les programmes. Donc, les éditoriaux étaient bien sûr grotesques, étaient lamentables, c'était de l'horreur. Mais comme c'était du spectacle, les gens écoutaient, en particulier Philippe Henriot, parce que c'était tellement ridicule que ça devenait du divertissement. Alors, et c'était un problème pour Radio Londres. Il y a cette passe d'armes extraordinaire que vous racontez entre Philippe Henriot et Pierre Dac, justement. Philippe Henriot, on est le 10 mai 1944, et il dit, il met en avant ce que vient de dire Pierre Dac sur Radio Londres, et notamment, il met en doute son intérêt pour la France. Il dit, la France, qu'est-ce que ça peut bien signifier pour lui, fils de Salomon Isaac et de Berthe Kahn. Et le lendemain, Pierre Dac lui répond sur les ondes de Radio Londres. Pierre Dac est arrivé à Londres le 30 octobre 1943 parce qu'il voulait aider la France à gagner. Et effectivement, personne n'arrive à s'attaquer à Philippe Henriot et on le met sur le coup. Et à la suite de ce message d'Henriot, il en profite pour écrire un éditorial où il explique ce que représente pour lui la France. Et il parle de son frère qui est mort en 1915 aux attaques de Champagne et qui est enterré au cimetière Montparnasse. Et il dit, Monsieur Henriot, sur sa tombe, il y a écrit « Mort pour la France à l'âge de 28 ans ». Voilà la réponse de Pierre Dac in extenso. Puisque vous avez si complaisamment cité les prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous signaler que vous en avez oublié un, celui de mon frère. Si d'aventure vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, entrez par la porte de la rue Froidevaux, tournez à gauche dans l'allée et à la sixième rangée, arrêtez-vous devant la huitième ou dixième tombe. C'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon, fauché par les obus allemands le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la simple pierre, sous ses noms, prénoms, sans oublier le numéro de son régiment, on lit cette simple inscription « Mort pour la France à l'âge de 28 ans ». Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi la France. Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription « Mort pour Hitler, fusillé par les Français ». Et 45 jours plus tard, Philippe Henriot est abattu par la résistance. Incroyable, d'ailleurs, il y avait un côté quasi prémonitoire dans la réponse. Sans le savoir, Pierre Dac a écrit la fin d'Henriot. Vous nous avez dit d'ailleurs tout à l'heure, Jacques Pessis, que vous êtes vous-même le légataire universel de Pierre Dac, dont vous continuez à faire vivre l'œuvre d'une certaine manière. Du mieux que je peux et du peu que je mieux, comme disait Pierre Dac. Alors, chez Bibliomnibus, il y a notamment donc un loufoque à Radio Londres sur cette guerre des ondes. C'est tout à fait passionnant. Et puis également de Pierre Dac et Francis Blanche, Le Boudin Sacré, première saison de la première saison, c'est comme ça que ça s'appelait, de signé Furax. Ça, c'était sur l'antenne d'Europe numéro 1, n'est-ce pas ? Entre 1956 et 1960, où Furax, Black et White attaquaient, sauvaient le monde menacé par les babus et l'ignoble Claquemuf. Alors justement, c'est Alix qui nous pose la question via Twitter. Que sont devenus, après la guerre, les dirigeants de Radio Paris, nous demande-t-elle ? Alors, après, on va voir ce que sont devenus ceux de Radio Londres. Ceux de Radio Paris ont été abattus pour la plupart, arrêtés et ont très mal fini. Jean-Hérold Paqui a tenté de fuir, a été arrêté. Il y a eu un procès mémorable et il a été fusillé, car il le méritait. Henriot est mort avant la fin de la guerre et tous se sont cachés ou ont mal fini. On n'a pratiquement pas vu quelqu'un réapparaître ensuite. Radio Londres, c'est différent. Alors là, oui, c'est même carrément très différent, puisque là, au contraire, on va avoir un certain nombre de personnalités qui vont faire florès après. Alors d'abord, tous ont fait de la politique, sauf Jacques Duchesne, qui a voulu rester à Londres, continuer à faire du théâtre. Mais Jean Marin est devenu entre autres président de la FP. Maurice Schumann est devenu un homme politique très important. Ah, évidemment, oui. Pierre Bourdon est mort très jeune alors qu'il avait une carrière ministérielle. Et ce qui est formidable, c'est qu'après la guerre, quand ils arrivaient dans les restaurants en France, on les reconnaissait à leur voix, on se levait et on les applaudissait. Oh, bravo. Et ça, c'était des gens qui avaient justement été suspendus à Radio Londres. Malgré les brouillages, il faut dire un mot de ces brouillages. Les brouillages allemands étaient très très forts. Alors il y avait plusieurs solutions, où on changeait de fréquence ou alors on répétait deux fois les phrases pour qu'elles soient entendues. Les Allemands ont tout essayé, y compris ils ont tenté de confisquer les postes des Français pour les empêcher d'écouter la radio. Et qu'ont fait les Français ? Ils avaient toujours deux postes chez eux, ils ont donné le vieux, ils ont gardé le bon. Ouais, ça a permis. Comme ça, il n'y a pas eu de problème, les Allemands ont très vite arrêté ce jeu-là. On a renouvelé le stock. Jean Berlet, vous nous avez dit, il est mort lui seulement en 1961. Oui, c'était un dessinateur humoristique avec Maurice Van Mopès et qui faisait des sketchs humoristiques en permanence, mais avec une arrière-pensée. Il y avait une émission qui passait le dimanche et dans cette émission, j'ai trouvé une phrase incroyable. C'est Jacques Duchesne qui dialogue avec eux et qui dit « Mais si les Allemands avaient poursuivi leur offensive en Angleterre en 40 au lieu de se disperser en France, ils auraient gagné la guerre à coup sûr en 15 jours. » Et ça, je ne l'ai vu dans aucun livre d'histoire. Oui, c'est vrai. Jacques Duchesne, vous nous l'avez dit, a fait une carrière dans le théâtre. Il a conseillé la Comédie Française. Il a été co-directeur de la Royal Shakespeare Company, s'il vous plaît. Donc lui, il est sorti, on va dire, du domaine politique. André Gillois, faut le signaler, avec Jacques-Antoine et Pierre Belmar, a créé Télématch. Bien sûr, et André Gillois avait été déjà l'un des inventeurs du Poste parisien avant la guerre, avait créé beaucoup d'émissions. Il est mort à l'âge de 102 ans, et c'est sur une radio pirate qu'il avait créée en 43 à Londres, qu'est né un générique, qui était une musique d'Anna Marley, sur laquelle Joseph Kessel et Maurice Druon avaient fait des paroles en un après-midi dans un hôtel. Et cette chanson, c'était le chant des partisans. Combien de personnes en tout auront contribué au succès de la France libre et de Radio Londres pendant la guerre ? Radio Londres, on dénombre une douzaine de personnes régulièrement présentes à l'antenne qui avaient un contrat avec les Anglais. Et qui se renouvelaient. Hein, au total, ça faisait pas mal de monde. Oui, quand même. Mais il y avait régulièrement... Leclerc est arrivé et passé par Londres. Lucie Aubrac a parlé à Londres. François Mitterrand a parlé un jour à Londres. Beaucoup de gens ont contribué à Radio Londres au micro pour une ou deux interventions et d'autres sont restés pendant 3 voire 4 ans. Churchill a été invité d'honneur, si je puis dire. Churchill est venu en octobre 40 faire un discours en français et Jacques Duchesne l'a fait répéter tout l'après-midi dans son bunker, je le raconte. Il y avait tellement peu de place. Entre parenthèses, bunker qu'on peut visiter toujours à Londres, hein, qui est un endroit tout à fait passionnant. Je ferme la parenthèse. Et le studio était tellement petit que Churchill a demandé à Jacques Duchesne de l'aider en s'asseyant sur les genoux pendant qu'il lisait son éditorial au micro. Je pense que ça a été un grand moment. Et ça, pour Jacques Duchesne, ça a dû être un souvenir, évidemment. Cette façon de faire de la radio a influencé les autres radios au moment de la libération. Est-ce que de la même façon que la presse écrite s'est directement inspirée des feuilles de la résistance, c'est ce que nous voyions l'autre jour à l'occasion des 70 ans du journal Le Parisien, de la même façon des radios se sont inspirées de Radio Londres après la libération. Alors, d'abord, avant la guerre, le Poste parisien avait inventé une mise en scène radiophonique qui était déjà révolutionnaire. Radio Londres a ajouté à cette mise en scène grâce à Jacques Duchesne, et que ce soit la chaîne parisienne ou ce qu'on a appelé les postes périphériques ensuite, ont largement repris des formules et des animateurs. Par exemple, les tribunes politiques de l'après-guerre sont nées à la suite des tribunes de Radio Londres. Oui, bien entendu. On n'a pas parlé du rôle qu'a pu jouer Radio Londres directement dans un certain nombre d'opérations du débarquement. Enfin, ça, c'est déjà plus connu, évidemment. Le grand mérite de votre livre, à mon avis, c'est de parler de toute la période précédente et de la façon dont tout ça est né, s'est fabriqué, s'est inventé. Le livre s'appelle Radio Londres, la guerre en direct de Jacques Pessis. Que sont devenus les documents que vous avez découverts, là, ces 50 000 feuillets? Ils sont à la Fondation de Gaulle, précieusement conservés pour les chercheurs et les archivistes. Mais bien, à bon entendeur, salut. Merci beaucoup, Jacques Pessis. Merci. Radio Londres, la guerre en direct, c'est chez Albin Michel. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Benoît. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Et il aimerait savoir pourquoi les îles Normandes sont rattachées à la couronne britannique. Vous voulez que je vous dise, Céline, cette émission est en train de devenir de plus en plus participative. Je ne sais même pas pourquoi je réponds, puisque César, via Twitter, a déjà répondu à Benoît en disant « Mais les îles anglo-normandes n'ont pas été rattachées à la couronne anglaise. C'est juste qu'elles ont été oubliées quand la Normandie est redevenue française. » C'est pas entièrement faux, hein, cette histoire. C'est assez ça. Bon, vous savez que les îles en question... Elles sont situées à moins de 50 km des côtes normandes. Elles ne sont ni françaises ni tout à fait britanniques. Effectivement, c'est une spécificité régionale qui remonte au Xe siècle. En 933, les Channel Islands, comme on les appelle, sont rattachées au duché de Normandie. Alors, vous savez ce qui se passe. En 1066, c'est la victoire d'Hastings. Guillaume le Conquérant devient roi d'Angleterre, bien entendu. D'ailleurs, aujourd'hui encore, le souverain britannique porte le titre de duc de Normandie, duchesse en l'occurrence. Et en 1204, le roi de France, Philippe Auguste, prend possession de la Normandie qu'il arrache à Jean sans Terre. Seulement, les îles anglo-normandes choisissent, semble-t-il, de rester fidèles à la couronne. Elles n'intègrent pas le royaume d'Angleterre à proprement parler. À vrai dire, rien ne dit clairement qu'il s'agissait d'un véritable choix de leur part. Et c'est vrai, là, il faut bien dire que César avait bien vu. Il semblerait qu'elles aient été un peu oubliées dans cette histoire. En attendant, elles bénéficient du coup d'un statut unique. Leur système judiciaire est indépendante de celui du Royaume-Uni. Elles peuvent commercer librement avec l'Angleterre. Elles ne sont pas soumises au même impôt. Elles ont ce statut tout à fait indépendant, atypique. Elles ne font d'ailleurs pas partie de l'Union européenne. Elles ont leur propre parlement. Elles frappent leur monnaie. Elles émettent leur timbre. Enfin bref, leurs 150 000 habitants parlent anglais, un peu français et puis pas mal de patois dérivés du normand.